France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Satrape, magnificence, vice-curateur, il n'y a pas de simple curateur. Refuser le sérieux, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on fait toujours de la pataphysique. Et l'exception exceptionnelle a-t-elle un intérêt? Un scientifique répondait à quelques très sérieuses questions. Ainsi, les enfants n'existent pas? Un objet virtuel, la photo d'un fantôme qui ne saurait choquer qui que ce soit. Et pourtant, c'est à 8 ans que Boris Vian devint pataphysicien ou découvrit la pataphysique. Voici donc Boris Vian. Puis un chanteur populaire qui voulait s'instruire. Quel usage? Vous voulez sans raison vous inscrire à la pataphysique? Oui, imprégnons-nous de pataphysique. Première diffusion sur France 3 nationale, le 25 mai 1959. Les grandes revues littéraires. Marc Bernard présente les grandes revues littéraires. Aujourd'hui, les cahiers du Collège de Pataphysique. Participent à cette émission Boris Vian et Henri Salvador. Béatrice Arnac interprétera les chansons. Pour terminer cette série d'émissions sur les revues littéraires, nous avons fait appel à la coruscante rédaction des cahiers du Collège de Pataphysique, et tout d'abord à l'un de ses collaborateurs considérables, Boris Vian. On sait, ou plutôt on ne sait pas, que les cahiers du Collège de Pataphysique se doublent d'un collège fortement hiérarchisé, où les honneurs sont si minutieusement répartis qu'on ne s'y retrouve pas toujours dans toutes ses dignités. Mais sans doute, sans trahir le secret de la religion pataphysicienne, Boris Vian voudra-t-il nous éclairer en projetant quelques lueurs sur la pyramide de l'ordre auquel il a l'honneur d'appartenir en qualité de satrape. Quelle est, Boris Vian, la construction pyramidale du Collège de Pataphysique, s'il n'est pas indiscret, bien entendu, de vous le demander? Oh, ça n'a absolument rien d'indiscret. Le Collège de Pataphysique est dominé par le curateur inamovible qui est le docteur Faustrolle. En dessous du curateur inamovible se trouve un vice-curateur qui a droit au titre de sa magnificence. Le dernier vice-curateur en date est décédé voici quelques années. Nous allons procéder aux environs du 11 juin à l'acclamation du nouveau vice-curateur du Collège de Pataphysique. En dessous, nous avons un corps de providiteur général, adjoint et rogateur. Enfin, nous avons les satrapes qui ont droit au titre de sa transcendance. Nous avons les régents qui ont à charge d'enseigner un certain nombre de disciplines plus ou moins complexes, en lesquelles ils excellent toujours, naturellement. Moi-même, je ne suis pas spécialisé dans la hiérarchie du collège, mais c'est M. Saint-Mont qui pourrait vous donner toute lumière sur ce sujet. D'ailleurs, il vaut mieux entourer tout cela d'un certain mystère. Je comprends ça. Ce sont des arcanes qu'il faut effleurer, sûrement, comme ça. Sa magnificence, le docteur Sandomir, était de 9 ans, je crois, l'aîné d'Alfred Jarry, auquel il a été lié. Est-ce son amitié pour le générateur du but qui a poussé sa magnificence, le docteur Sandomir, et à sa suite les cahiers de pataphysique, à élever un monument à la gloire de Jarry? Non, tout ceci procède d'une certaine série de rencontres. L'esprit pataphysique, bien entendu, existait bien avant Jarry, existera bien longtemps après que les cahiers du collège auront disparu s'ils disparaissent. D'ailleurs, ils ont déjà disparu, ils sont remplacés par les dossiers. Mais la pâte à physique, en somme, a une propriété curieuse, c'est celle d'agglomérer tout naturellement autour d'elle-même les gens dont l'esprit en est fortement imprégné. Il semblerait que les pataphysiciens dont vous êtes Satrape Borisian, l'un des plus étincelants fleurons, mettent tout leur sérieux à ne rien prendre au sérieux. Mais votre doctrine est si subtile et si vaste à la fois que certains de ses aspects peuvent échapper aux profanes que nous sommes. Peut-être pourriez-vous éclairer nos auditeurs avides de lumière sur le sens profond de la pataphysique, et nul n'est mieux qualifié que vous pour allumer notre lanterne. Nous vous écoutons dans le plus grand recueillement. Écoutez, la pataphysique est admirablement définie par Alfred Jarry dans Les gestes et opinions du docteur Fostrol. Je crois que cette émission vous donnera d'ailleurs les définitions même de Jarry. Pour résumer les choses un peu simplement, on peut dire que la pataphysique est à la métaphysique ce que la métaphysique est à la physique. Un des principes fondamentaux de la pataphysique est d'ailleurs celui de l'équivalence des contraires. C'est peut-être ce qui vous explique ce refus que nous manifestons de ce qui est sérieux et de ce qui ne l'est pas, puisque pour nous, c'est exactement la même chose. C'est pataphysique, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on fait toujours de la pataphysique. Oui, sans le savoir. Sans le savoir. Oui. Il est évident que plus la pataphysique est consciente, plus elle se double de pataphysique inconsciente. Parce que le fait même de vouloir en faire est un acte hautement pataphysique. Et ce que l'on ignore lorsqu'on en fait volontairement est encore plus pataphysique peut-être. Si vous voulez qu'on donne un autre résumé, enfin un autre principe, c'est l'intérêt que portent les pataphysiciens à l'exception plutôt qu'au cas général. Vous savez que Jarry considère les lois générales de la physique comme un ensemble d'exceptions non exceptionnelles et par conséquent sans aucun intérêt, l'exception exceptionnelle seule ayant un intérêt. Vous savez d'ailleurs que, puisque selon une autre formule, la pataphysique est la science, vous savez d'ailleurs qu'en science, il n'y a guère que l'exception qui fasse avancer la dite science. Je n'ai pas besoin de vous rappeler les exemples de Fleming, de Pasteur et de tous ces illustres savants pour que vous constatiez que la majeure partie... Toute découverte se fait par hasard. Toute découverte se fait non seulement par hasard... C'est un faux pas. C'est pas un faux pas, c'est le moment où l'observateur remarque une anomalie. C'est l'anomalie qui fait découvrir la découverte, si l'on peut employer ce pléonasme. C'est l'anomalie, c'est l'histoire de la culture de Penicillium notatum de Fleming, qui, grâce à Dieu et à Fostrol surtout, lui a fait. Il me semble bien en effet que Fostrol avait un rôle à jouer dans la découverte de la pénicilline, mais vous faites bien de m'éclairer là-dessus. Je ne l'avais pas vu aussi nettement. Fostrol a naturellement son rôle, Fostrol, le père de toute découverte. Et permettez-moi, Borisian, de vous soumettre au feu roulant de quelques questions, avec tout le respect qui est dû à votre dignité, bien entendu. Il est quelques-unes des œuvres pataphysiques, telles le monologue de l'employé, que vous conseillez de lire couché sur le dos. Pourquoi ? Parce qu'on n'a jamais pensé aux gens qui lisent couché, et il est extrêmement gênant. Supposez qu'il fasse froid, par exemple. Vous êtes obligé d'avoir les deux mains hors du lit pour lire. Le monologue de Ferry peut se lire couché, une main en l'air, l'autre main bien au chaud sous les couvertures, et se tourner d'une seule main, c'est tout de même assez commode, et se tourner d'une seule main qui est alternative. C'est-à-dire qu'alternativement, on sort la main droite et la main gauche, ce qui fait que même en cas de froid glacial, le lecteur du monologue ne peut prendre froid aux mains. C'est très bien, en effet, c'est une chose à quoi on aurait dû penser avant vous. J'ai appris par la lecture de vos cahiers qu'il existait en pataphysique le titre d'auditeur réel. Mais voulez-vous entendre par là qu'il en est de faux comme des tableaux ? Il n'en est pas de faux, il en est de virtuel. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir cessé d'exister, d'exister physiquement, mais qu'ils n'en sont pas moins des auditeurs aussi valables que les autres. Et maintenant, je vais toucher, si vous le permettez, à une question personnelle et qui peut-être vous gênera énormément. Oserais-je dire, mais oui, après tout, je l'oserais, qu'un numéro des cahiers de pataphysique a publié une photo de vous, vous montant dans le simple appareil d'une beauté qu'on vient d'arracher au sommeil. Il est vrai que, en jugé par cette image, vous aviez alors environ un an. Mais n'avez-vous pas éprouvé quelques scrupules à vous jeter ainsi en pâture à la foule des lecteurs et des lectrices de vos cahiers. Non, c'est un état qui était absolument temporaire. C'est pour l'instant une opinion personnelle. Peut-être sera-t-elle adoptée par le collège un jour. Mais pour moi, les enfants n'existent pas. Ah. Les enfants sont des états transitoires de l'adulte, des états intermédiaires qui sont par conséquent presque virtuels. Par conséquent, la photo que l'on a publiée de moi, évidemment assis tout nu dans un petit fauteuil d'osier, est une photo d'un objet virtuel, puisqu'il a cessé d'exister depuis longtemps. C'est en somme la photo d'un fantôme, si vous voulez. Si vous voulez. Et la photo d'un fantôme ne saurait choquer personne, je naturellement. Pense. Et maintenant que Boris Vian nous a initiés à sa doctrine, nous allons nous mettre directement en communication avec l'esprit de la pataphysique dans ce qu'il a de plus quintessentiel, de plus profond et de plus exaltant aussi. Il faut bien le dire, dû votre modestie, Boris Vian, à n'être alarmé. Nous demanderons à nos auditeurs d'oublier pour un instant leurs préoccupations quotidiennes et de bien vouloir se pencher sur cette quatrième dimension psychologique, littéraire et morale que représente avec tant de puissance et de dignité la pataphysique. Je me permets d'ajouter un dernier mot. Il n'y a pas besoin de s'attendre à des choses compliquées pour trouver la pataphysique. Pour vous donner un détail personnel, je suis venu à la pataphysique vers l'âge de 8 ou 9 ans. En lisant une pièce de Robert de Flers et de Caillavet qui s'appelle La Belle Aventure, c'est vraiment le dernier endroit où on peut s'attendre à en trouver quand on n'est pas pataphysicien. Mais elle contenait notamment cette réplique qui était à la création dans la bouche de Victor Boucher et que je vous donne pour conclure ce petit entretien préalable. Je crois qu'elle peut initier tout le monde très aisément et très rapidement à la pataphysique et c'est la suivante. Je m'applique volontiers à penser aux choses auxquels je pense que les autres ne penseront pas. Et maintenant, nous allons nous retirer sur la pointe des pieds et laisser Boris Vian initier à la pataphysique Henri Salvador. Hé, monsieur ! Hein ? Explication. Des explications sur quoi ? La science. La science de quoi ? La pataphysique. Vous voulez savoir ce qu'est la pataphysique ? Oui. Et pourquoi ? Eh bien, pour m'instruire. Pour vous instruire. Mais quel usage voulez-vous faire de cette instruction? Quel usage je veux en faire? Oui. Eh bien, aucun, absolument aucun usage. Vous voulez, sans raison, vous instruire en pataphysique? Vous l'avez dit. Mais vous êtes déjà pataphysicien. Ah. Ce désir le prouve, et ce motif aussi. Mais quel motif? Mais l'absence de motif. Comment ça, ça prouve que je... Exactement, que vous êtes pataphysicien. Alors, en somme, c'est à moi de vous expliquer ce que c'est, quoi. Oui. Ah ben, ne comptez pas sur moi, alors. Mais voyons, faites un effort. Ben, c'est contraire à mes principes. Enfin, c'est pourtant bien vous l'auteur de cet ouvrage, tenez. Opus Pataphysicum, testament de sa feu magnificence, le docteur I.L. Sandomir, de son vivant vice-curateur fondateur du collège de pataphysique. Allez, vous voyez bien qu'il est mort, s'il vous plaît. C'est une mort apparente. Ah, parce qu'on peut mourir de mort apparente? Mais naturellement, rien de plus courant. Ah, en tout cas, ce n'est pas moi qui ai écrit ce truc-là. Mais c'est dommage. Voyons un peu. En effet, il y aurait peut-être quelque inconvénient à traiter de pataphysique sur le mode vulgairement didactique, outre que ce mode lui-même est objet de pataphysique. Ça, c'est la préface de Louis Barnier. Eh ben, ça commence bien. Voyons un peu plus loin, voyons. Ainsi, la pataphysique qui ne s'ignore pas se sépare-t-elle radicalement de celle qui s'ignore sans toutefois s'en distinguer le moins du monde. Oh là là là là là Ça vous paraît obscur? Pas obscur à proprement parler, mais subtil, n'est-ce pas? Mais subtil, monsieur Alfred Jarry le fut. Ah, parce que c'est Alfred Jarry. Le docteur Faustrolle, plus exactement, le vrai père de la pataphysique. Mais Jarry, je croyais que c'était l'auteur du Burois. C'est ce que tout le monde croit, moi aussi d'ailleurs, mais lisez ceci. Alfred Jarry, gestes et opinions du docteur Faustrolle, pataphysicien, roman néo-scientifique suivi de spéculations. Paris, 1911. Ouvrez-le à la page 21. Ah, voyons là, page 21. Ah, voilà, Voilà, livre 2. Éléments de pataphysique. 8. Définition. La pataphysique, dont l'étymologie doit s'écrire épimétaphysica, est la science de ce qui se surajoute à la métaphysique, soit en elle-même, soit hors d'elle-même, s'étendant aussi loin au-delà de celle-ci que celle-ci au-delà de la physique. Exemple, l'épiphénomène étant souvent l'accident, la pataphysique sera surtout la science du particulier, quoi qu'on dise qu'il n'y a de science que du général. Elle étudiera les lois qui régissent les exceptions et expliquera l'univers supplémentaire à celui-ci, ou moins ambitieusement décrira un univers que l'on peut voir et que peut-être l'on doit voir à la place du traditionnel, les lois que l'on a cru découvrir de l'univers traditionnel étant des corrélations d'exceptions aussi, quoique plus fréquentes, en tout cas de faits accidentels qui se réduisant à des exceptions peu exceptionnelles n'ont même pas l'attrait de la singularité. Définition. La pataphysique est la science des solutions imaginaires qui accorde symboliquement aux linéaments les propriétés des objets décrits par leur virtualité. Seul le collège de pataphysique n'entreprend pas de sauver le monde. Les cahiers du collège de pataphysique, qui ont actuellement cessé de paraître pour céder la place au dossier assez nonnette, étaient publiés 4 fois l'an. Les cahiers du collège de pataphysique sont actuellement la seule lecture nécessaire et suffisante dans un univers saturé de papier journal. Car la pataphysique suffit à tout. Voilà une affirmation bien aventurée. Citons encore une fois sa magnificence, le docteur Sandomir. Le pataphysicien, s'il n'a en vérité aucune raison d'être moral, n'en a aucune de ne pas l'être. C'est pourquoi il reste le seul à pouvoir, sans la déchéance des conformistes, être honnête. Et de fait, c'est chez les pataphysiciens qu'on trouve les derniers exemples du travail parfaitement œuvré et fini, de l'érudition saine et intégrale, des qualités scientifiques entièrement désintéressées. Notre éminent collègue, le feu docteur Einstein, vivait de sa science. Quel membre de ce collège vit de la pataphysique, hein? La pataphysique est l'aliment naturel du pataphysicien, la gelée royale de l'homme de la rue. Parcourons brièvement, à travers l'admirable ensemble composé sous l'invocation du curateur inamovible, les textes précieux composés ou assemblés par les soins des hommes, les plus hommes de ce temps. Il ne saurait y avoir plus de pataphysique qu'il n'y en a dans ce monde-ci parce que il n'y a qu'une. Bravo! Extrait du numéro 1 des cahiers du collège, Femmes honnêtes et museaux roses, poème d'Anaïs Segalas, prix d'honneur au concours de l'Académie Paris-Province, 1891. L'homme est fier, l'homme est fort. À des emplois sans nombre, il s'installe en Hercule et ne voit pas dans l'ombre, quand il suit le chemin du vice ou de l'honneur, que de petites mains plus fermes qu'on ne pense le tiennent par un fil bien faible en apparence, mais un fil électrique. Et qu'on attache au cœur. Ce sont des mains de femme. Il a 2 souveraines. L'une est la femme honnête. Il voit dans ses domaines le droit chemin qu'on suit sous un ciel pur et bleu. L'autre est la commerçante en amour, peu de choses. Un animal rongeur, un joli museau rose, mais certes ce n'est pas une bête à bon Dieu. Le museau rose né dans un berceau vulgaire n'a rien que son museau, sans vertu ni grammaire. Quelque riche imbécile installe ce trésor dans un hôtel qui vaut une maison princière, et la belle, fuyant sa loge de portière, quitte le nid de paille et prend la cage d'or. Plus d'un fou dépouillé par sa griffe cruelle, pour prouver qu'il en a, fait sauter sa cervelle. Un autre triche et gagne en joueur déloyal, pour que la bête rose ait un collier qui brille, et, vil fripon, avec l'honneur de sa famille, il solde les chiffons d'un costume de bal. Certes, la femme honnête a moins de bijoux qu'elle, mais riche ou pauvre, elle a pour être bien plus belle un splendide joyau d'une haute valeur. Elle porte à son front limpide et poétique ce que nul bijoutier ne vend dans sa boutique, un diamant du ciel. Qu'on âme la pudeur. D'un mari bien-aimé, charmeuse légitime, qui séduit sans fleurir sur le bord d'un abîme, chaste, instruite et parfois même penseur profond. Ce n'est pas une prude à l'austère visage, c'est un ange élégant. Et qui, charmante et sage, a du plomb dans la tête. Et des fleurs sur le front. Elle greffe son cœur sur son fils et sa fille, et veille au petit temple appelé la famille, à ce foyer joyeux où le soir sont assis le mari, les enfants, groupant leurs têtes chères, et qui lui semble, avec son marbre et ses lumières, un doux autel dressé. Pour ses saints du logis. La mère Ubu hésitait à dévoiler son but devant tant de candeur. Un peu de musique pour nous changer, de la collection musicale Euterpe et Polyhymnie, la chanson de L'homme à la mer de Julien Torma. Alors riant, les huîtres ont des dents et les poissons des écailles d'huîtres. Trempe ta main dans l'eau bénite. Pied de pêcheur n'est pas le pied marin. Rentrez les filets bougre-là. Videz les coquilles de noix. Emplissez vos poches de mouchoirs à tabac. La fille attend près de Putifar, tout au bout de la jetée. Jette ta chic et l'encre de Chine. Ma belle, c'est pour vous mon beau service à thé. Je connais d'anxieuse forêt qui vous perce le cœur. Ce sont les mâts des lents voiliers, voilez-y tout votre langueur. Matelot, si c'est dans l'enfer que Satan nous fait tournoyer, sale Satan dans la barrique, et buvons l'alcool à brûler. Au sommaire du premier numéro des cahiers figuraient Jarry, Léon Polfarg, Germain Nouveau, Alphonse Allais, Guillaume Apollinaire, Jules Laforgue, Raymond Queneau, le papa de Zazie, qui est membre du corps des satrapes, Émile Rossignol, administrateur au ministère de la guerre, d'innombrables études techniques, un feuilleton, etc., etc. Vous devriez vous abonner. Pas de publicité à la radio? Mais c'est pas de la publicité puisque personne n'écoute. C'est juste, on devrait s'abonner. Dans le numéro 2 des cahiers, précédé d'une lumineuse étude du professeur Saint-Mont, entouré d'un grand planté de chandelles vertes, c'est enfin réaccessible au public, le commentaire pour servir à la construction pratique de la machine à explorer le temps d'Alfred Jarry. Vous pouvez vous abonner si ça vous plaît. Le numéro est épuisé. La machine de l'explorateur du temps doit, premièrement, être d'une rigidité, c'est-à-dire élasticité absolue, afin de pénétrer le solide le plus dense à la manière d'une vapeur infiniment raréfiée. Deuxièmement, soumise à la pesanteur afin de rester dans le même lieu de l'espace, mais assez indépendante du mouvement diurne de la Terre pour conserver une direction invariable dans l'espace absolu. Corollairement, quoique pesante, incapable de chute si le sol, au cours du voyage, vient à s'excaver. Troisièmement, non magnétique, afin de n'être pas influencé en retour, on verra plus loin pourquoi, par la rotation du plan de polarisation de la lumière. Le cahier numéro 3-4 du collège, précédé de prothèses de sa magnificence le vice-curateur fondateur. Pourquoi ne parle-t-on jamais que de ce vice-curateur ? N'y a-t-il donc point de curateur ? Il n'y a qu'un seul curateur inamovible, le docteur Faustrol. Le cahier numéro 3 à 4, donc, s'étendit sur le problème du but. Sa magnificence exprimait dans les prothèses précitées quelques restrictions. Il est déplaisant qu'il soit souvent déplaisant de penser à la gloire du but, car elle est loin d'être ce qu'elle doit être, en splendeur sans doute, si déjà coruscante soit-elle, mais surtout en qualité. Le vulgaire, et j'entends par là principalement les grands esprits, le vulgaire disait, je prends Ubu pour une rigolade. Passez-moi le mot. Pourtant, au vrai, il n'y a peut-être rien, Faustrol excepté, de plus valablement et fondamentalement sérieux. Ah, votre magnificence apporterait à l'accroissement universel des Lumières une inestimable contribution en définissant une bonne foi en quel sens nous entendons le sérieux. Le définir ? Mais c'est limpide. Cher pauvre éditeur général adjoint et rogateur, c'est la vertu même incarnée par Ubu. Et pour être tout à fait précis, le sérieux, c'est la pataphysique. Nous autres, pataphysiciens, tout comme Zary lui-même, ne sommes point des amuseurs, des farceurs, des clowns, ainsi que de Zary le prétendait Feugide. On se méprend sur le caractère de farce qu'eut à l'origine et de dehors, mais l'enfance au jeu et surtout l'adolescence est imperturbable, la geste royale du but. Et quoi qu'il en soit, Zary l'a promu à cette précédence que vous avez, cher professeur général adjoint et rogateur, paradigmatiquement exposée. Nous sommes donc sérieux. Et j'ajouterai, car c'est ici que tout s'éclaire, il n'y a que nous à être pleinement, totalement et surabondamment sérieux et à nous prendre authentiquement au sérieux. Ajoutons, pour être complet, qu'il n'y a aussi que nous qui ayons à le faire. Un très beau poème de Zary, inédit, figure au sommaire du cahier numéro 5-6. Crow, crow, c'est le râle respiratoire et très éloigné du corbeau. Pose debout et renverse l'entonnoir de ton oreille au plancher horizontal. C'est là-dessous qu'il respire, comme roucoule un corbeau. Crow, crow, disent les gros corbeaux proches. C'est le phonographe du même son par d'autres derrière l'air nul. Le reste d'air vital que les mourants aspirent crée des chouettes sur les larynx des cheminées. Les corbeaux sont des chouettes au velours empesé d'encre froide et raide. Deux sens t'hallucines donc. La chouette est sur la cheminée. Le mort futur s'est râlé lui-même. Écoute, les genoux au coude sur le fauteuil sonore. Pourquoi ta main s'abaisse-t-elle comme une feuille de marronnier? Chut, des gens parlent et passent. Et un enfant sautille deux par deux les marches descendantes de l'escalier. Les cahiers du collège, de plus en plus nourris, sont impossibles à résumer. Il est même impossible d'en donner une idée. Il est donc essentiel pour vous d'en avoir déjà une idée. Les épiphanies réunissent dans chaque numéro des fragments de pataphysique, volontaires ou non, glanés au hasard de la lecture des journaux. Tels cet extrait du confiseur, glacier, pâtissier, cuisinier. Octobre 1950, 40, boulevard Voltaire, Paris. Comment doit-on manger les huîtres crues? Certaines personnes les avalent sans les mâcher. Que ne les prennent-elles en cachet? Voici le procédé des amateurs qui estiment que la bonne huître mérite d'être aimée pour elle-même. Faites ouvrir seulement au moment de les manger des huîtres appartenant aux espèces préférées, grasses, charnues, et assurez-vous pour chacune qu'elle est bien vivante, en explorant ses réflexes. C'est là un signe objectif qui ne trompe pas. Puis, enlevez-la délicatement de sa coquille. Portez-la immédiatement à la bouche, toute crue, sans aucun accompagnement. Et aussitôt, d'un coup de dent, percez-lui le foie. Si le sujet répond à ce que vous êtes en droit d'attendre de lui, vos gencives doivent baigner dedans tout entière et votre bouche doit être inondée de jus. C'est là un véritable critérium a posteriori de l'huître à point. Restez un instant dans cette situation, puis avalez lentement le jus et achevez la mastication et la déglutition du mollusque. Tonifiez-vous alors avec une gorgée de bon vin blanc sec. Mangez une bouchée de pain blanc ou noir, beurré ou non, pour neutraliser les papilles de la langue et être en état d'apprécier intégralement l'huître suivante. Qui n'est sensible à la bonté de telles huîtres? Et qui n'est sensible à la beauté des frites? En lisant ce cahier 5-6, vous connaîtrez aussi la vie de Paul Masson, dit le mystérieux, prince des mystificateurs du siècle dernier, qui organisa la mystification à l'échelle internationale. S'il n'était pas mort si jeune, on lui devrait sûrement la guerre de 1914-1918. Mais il est impossible d'inventorier, de répertorier, d'analyser, de résumer le contenu prodigieusement éducatif et totalement pataphysique des cahiers du collège. Il vaut mieux s'abonner. On doit au collège la redécouverte de Julien Thorma, que certains pataphysiciens tiennent pour un des princes de la pataphysique. Et ce sont des numéros spéciaux, numéro spécial sur numéro spécial, l'un d'eux sur la fameuse exposition Jarry, ou Expo Jarrisition, qui permit l'exhumation de documents depuis longtemps enfouis en des collections particulières. D'autres numéros sur Rabelais pataphysicien, Jarry pantagruéliste, et coetera, et coetera. Le collège pense pour nous, dépensons pour lui. Mais ce collège a-t-il des références? Le corps des satrapes ne comprend-il point, monsieur, des noms tels que ceux de Jacques Prévert, Raymond Queneau, René Clair, nous en passons, et d'excellents pour ne citer que Max Ernst. Et savez-vous que le collège est représenté à peu près dans toutes les parties du globe? Son Excellence, l'évêque de Worcester, a fait afficher dans toutes les églises de son diocèse l'avis suivant. Installe chez toi un bar dont tu seras le seul client. Donne à ta femme assez d'argent pour acheter la première bouteille. Bois chez toi, mais paye chaque verre à ta femme le prix que tu le paierais dans un bar. Donne de l'argent à ta femme pour qu'elle achète une deuxième bouteille. Ainsi ton bar sera toujours garni et ta femme fera le marché avec son bénéfice. Sois persuadé, en agissant ainsi, que tu mourras d'une cirrhose du foie. Mais tu pourras mourir tranquille, ta femme aura fait d'importantes économies et pourra élever ses enfants. Et elle pourra se remarier avec un homme intelligent. Le 1 absolu de l'année 85 de l'ère pataphysique, avec le numéro 28 des cahiers, s'achève leur 7e série. Les cahiers sont désormais remplacés par les dossiers assez nonnettes déjà cités. Au sommaire du numéro 1 des dossiers, une pièce du transcendant satrap Ionesco, le tableau, créé en octobre 55 à la Huchette. Le numéro 2 contient la mise en place pour le défilé des enfants prodiges, établi par cette section essentielle du collège, qu'est la toute puissante administration des quinconces. Et qu'est-ce à dire? Monsieur, la transkination, opération maîtresse de l'administration, permet de répondre à n'importe quelle question et nous vous prierons de bien vouloir lui soumettre celle-ci. Vous pensez bien que cette émission n'a pour objet ni de vous éclairer complètement, ni de vous distraire, mais bien de vous imprégner de pataphysique, encore que l'on ne puisse même pas dire qu'elle est un objet réel. Voici maintenant, pour vous reposer les oreilles, une petite chanson, la première version de la chanson du desservelage de Jarry, telle qu'on la chantait au lycée de Rennes, sur l'air de la valse des pruneaux. Je fus pendant longtemps ouvrier ébéniste dans la rue du Champ de Mars, de la paroisse de Toussaint. Mon épouse exerçait la profession de modiste et nous n'avions jamais manqué de rien. Quand le dimanche s'annonçait sans nuages, nous exhibions nos beaux accoutrements et nous allions voir le desservelage, rue de l'Échaudé, passer un bon moment. Voyez, voyez la machine tourner, voyez, voyez la cervelle sauter, voyez, voyez l'air entier trembler. Hurrah! Cornes au cul, vive le Père Ubu! Nos deux marmots chéris, barbouillés de confiture, brandissant avec joie des poupins en papier, avec nous s'installaient sur le haut de la voiture et nous roulions gaiement vers l'Échaudé. On se précipite en foule à la barrière, on se fiche des coups pour être au premier rang. Moi je me mettais toujours sur un tas de pierres pour pas salir mes godillots dans le sang. Voyez, voyez la machine tourner, voyez, voyez la cervelle sauter, voyez, voyez l'air entier trembler. Hurrah, cornes au cul, vive le Père Ubu! Bientôt ma femme et moi, nous sommes tout blancs de cervelle, les marmots en boulotte et tous nous trépignons, en voyant le palotin qui brandit sa lumelle et les blessures et les numéros de plomb. Soudain je perçois dans le coin près de la machine la gueule d'un bonze qui ne me revient qu'à moitié. Mon vieux, que je dis, je reconnais ta bobine, tu m'as volé, c'est pas moi qui te plaindrai. Voyez, voyez la machine tourner, voyez, voyez la cervelle sauter, voyez, voyez l'air entier trembler. Hurrah, cornes au cul, vive le Père Ubu! Soudain je me sentirai la manche par mon épouse, espèce d'andouille qui me dit, v'là le moment de te montrer. Flanque-lui par la gueule un bon gros paquet de bouse, v'là le palotin qu'a juste le dos tourné. En entendant ce raisonnement superbe, j'attrape sur le cou mon courage à deux mains. Je flanque au rentier une gigantesque merde qui s'aplatit sur le nez du palotin. Voyez, voyez la machine tourner, voyez, voyez la cervelle sauter, voyez, voyez l'air entier trembler. Hurrah, cornes au cul, vive le Père Ubu! Aussitôt je suis lancé par-dessus la barrière, par la foule en fureur je me vois bousculé, et je suis précipité la tête la première dans le grand trou noir d'où ce qu'on ne revient jamais. Voilà ce que c'est que d'aller se promener le dimanche rue de l'Échaudé pour voir des cervelés. Marcher le pince-port ou bien le démanche commence, on part vivant et l'on revient tudé. Voyez, voyez la machine tourner, voyez, voyez la cervelle sauter, voyez, voyez l'air entier trembler. Hurrah, cornes au cul, vive le Père Ubu! Toujours Jarry? Oui, toujours Jarry, qui réapparaît dans le dossier numéro 5 avec ses 12 arguments sur le théâtre. En voici quelques-uns. Tout est évidemment bon à mettre au théâtre, si l'on consent encore à appeler théâtre ces halls encombrés de décors d'une peinture odieuse, construits spécialement ainsi que les pièces pour la multitude. Mais cette question, une fois tranchée, ne doit écrire pour le théâtre que l'auteur qui pense d'abord dans la forme dramatique. On peut tirer ensuite un roman de son drame, si l'on veut, car on peut raconter une action, mais la réciproque n'est presque jamais vraie. Et si un roman était dramatique, l'auteur l'aurait d'abord conçu sous forme de drame. Le théâtre, qui anime des masques impersonnels, n'est accessible qu'à qui se sent assez viril pour créer la vie. Un conflit de passion plus subtil que les connus ou un personnage qui soit un nouvel être. Il est admis par tous qu'Hamlet, par exemple, est plus vivant qu'un homme qui passe, car il est plus compliqué, avec plus de synthèse, et même seul vivant, car il est une abstraction qui marche. Donc, il est plus ardu à l'esprit de créer un personnage qu'à la matière de construire un homme, et si l'on ne peut absolument créer, c'est-à-dire faire naître un être nouveau, qu'on se tienne tranquille. Le système qui consiste à fabriquer un rôle en vue des qualités personnelles de tel artiste a le plus de probabilité pour être une cause de pièces éphémères. Parce que l'artiste mort, on n'en trouvera pas d'exactement semblable. Ce système offre l'avantage à l'auteur qui ne s'est pas créé de lui fournir une maquette dont il exagère simplement tels ou tels muscles. L'auteur pourrait aussi bien parler de lui-même avec une minime éducation et dire n'importe quoi. La faiblesse de ce procédé éclate dans les tragédies de Racine qui ne sont pas des pièces mais des chapelets drôles. Il ne faut pas d'étoiles, mais une homogénéité de masques bien ternes, dociles silhouettes. Maintenir une tradition, même valable, est atrophier la pensée qui se transforme dans la durée. Et il est insensé de vouloir exprimer des sentiments nouveaux dans une forme conservée. Mais arrêtons là ce discours, vous en savez assez sur le collège de pataphysique. Absolument rien compris. Ben alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. Lire Tintin. Et ce sera toujours de la pataphysique. Mais Tintin n'est malheureusement pas encore classé parmi les grandes revues littéraires. Nous ne pouvons non pas l'inclure dans cette série d'émissions dont les cahiers de pataphysique marquent brillamment le terme. Si nous vous avons fait mieux connaître chacune des revues dont nous vous avons parlé, notre travail n'aura pas été vain. Et il ne nous reste plus qu'à vous remercier de votre attention et aussi à remercier les directeurs et acteurs en chef qui ont participé à cette série d'émissions sur les grandes revues littéraires. Marc Bernard vous a présenté les grandes revues littéraires. Aujourd'hui, les cahiers et les dossiers du Collège de Pataphysique. Participaient à cette émission Boris Vian et Henri Salvador. Béatrice Arnac interprétait les chansons. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France 3 Nationale le 25 mai 1959, quelques semaines avant la mort de Boris Vian. Émission que vous pourrez réécouter en ligne ou télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».